Deuxième livre des Rois, chapitre 21. Manassé était âgé de 12 ans, quand il commença à régner, et il régna 55 ans à Jérusalem, sa mère avait nom Hephtsiba. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, selon les abominations des nations, que l'Éternel avait chassées de devant les enfants d'Israël. Car il rebâtit les hauts lieux, qu'Ézéchia son père avait détruits, et redressa des autels à Baal, et fit un bocage, comme avait fait Achab roi d'Israël, il se prosterna devant toute l'armée des cieux, et il les servit. Il bâtit aussi des autels dans la maison de l'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit, « Je mettrai mon nom dans Jérusalem ». Il bâtit, dis-je, des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit aussi passer son fils par le feu, et il pronostiqua les temps, et observait les augures, il dressa un oracle d'esprit de Python, et de diseur de bonne aventure, il faisait de plus en plus ce qui déplaît à l'Éternel pour l'irriter. Il posa aussi l'image du bocage qu'il avait fait, dans la maison dont l'Éternel avait dit à David, et à Salomon son fils, « Je mettrai à perpétuité mon nom dans cette maison, et dans Jérusalem, que j'ai choisi d'entre toutes les tribus d'Israël. Et je ne ferai plus sortir les Israélites hors de cette terre que j'ai donnée à leur père, pourvu seulement qu'ils prennent garde à faire selon tout ce que je leur ai commandé, et selon toute la loi que Moïse, mon serviteur leur a ordonnée. » Mais ils n'obéirent point, car Manassé les fit égarer, jusqu'à faire pis que les nations que Dieu avait exterminées de devant les enfants d'Israël. Et l'Éternel parla par le moyen de ses serviteurs les prophètes, en disant, « Parce que Manassé roi de Juda a commis ces abominations, faisant pis que tout ce qu'ont fait les Amoréens qui ont été avant lui, et par ceci qu'il a fait pécher Juda par ses dieux de fiente, à cause de cela l'Éternel le Dieu d'Israël, dit ainsi, voici, je m'en vais faire venir un mal, sur Jérusalem et sur Juda, tel que quiconque en entendra parler. Les deux oreilles lui encorneront. Car j'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie, et le niveau de la maison d'Achab, et je torcherai Jérusalem comme une écuelle qu'on torche, et laquelle, après qu'on l'a torchée, on renverse sur son fond. Et j'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils seront en pillage, et en proie à tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour que leurs pères sont sortis d'Égypte, même jusqu'à ce jour-ci. Davantage Manassé répandit une grande abondance de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre son péché par lequel il fit pécher Juda, tellement qu'il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Le reste des faits de Manassé, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et le péché qu'il commit, n'est-il pas écrit au livre des Chroniques des rois de Juda? Puis Manassé s'endormit avec ses pères, et fut enseveli au jardin de sa maison, au jardin d'Uza, et Amon son fils régna en sa place. Amon était âgé de 22 ans, quand il commença à régner, et il régna 2 ans à Jérusalem, sa mère avait nommé Suleymé, fille de Haru de Jotba. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Car il suivit tout le train que son père avait tenu, et servit les dieux de fiente que son père avait servi, et se prosterna devant eux. Il abandonna l'Éternel le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Or les serviteurs d'Amon firent une conspiration contre lui, et tuèrent le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et ils établirent Josias son fils roi en sa place. Le reste des faits d'Amon, lesquels il a fait, n'est-il pas écrit au livre des Chroniques des rois de Juda? Or on l'ensevelit dans son sépulcre au jardin d'Uza, et Josias son fils régna en sa place.